Encore un son de ouf qui fait mouiller les foufs. Mais toi, viens sans toucher la chenouf sur les schnecks, hashtag. Roya, ne me check pas, même en bas, ils me connaissent pas. Tu reconnais ça, c'est du vrai pleura. Encore un son qui donne envie de lever les bras. Lève ton troisième doigt, celui-là c'est pour l'état. Hiver, comme été, je pose, même pause, j'ose. Même si sur mon son tu causes mal. En 2000, trop de larmes, trop de drames. Tire l'alarme avant qu'on se calme. Nique sa mère, les fans, on marche à plusieurs, mais je roule pour moi. Encore un son qui dérange les petits. Trop du cul dans ton jar, t'inquiète, je les arrange. Dans le pleura, je me range. Ma musique doit rien à personne. Consomme notre album, attention les décombres. Le flow, une bombe, tu remarques la différence. Les temps changent, encore un son qui grandit tout seul. Pas besoin de soutien, on ne nous a jamais aidé à ce que je me souvienne. Je m'amène, le bon son, je ramène. Prends 2000, c'est pour mes HLM. Fais-toi bien, fais tourner le son qu'on aime. Je représente les miens, les gens que j'aime. Je t'arrache tout sur mon passage, même les gens qui me gênent. Encore un son de fou qui fait bouger la foule. Vas-y, sors ta cagoule, t'es mort dans le rap, je pose mes couilles. Encore un son, refuser tes boîtes, peur des embrouilles. Encore un son, t'es car, qui crache des doux. Encore un son de fou qui fait bouger la foule. Vas-y, sors ta cagoule, t'es mort dans le rap, je pose mes couilles. Encore un son, refuser tes boîtes, peur des embrouilles. Encore un son, t'es car, qui crache des doux. Encore un son de bandit, mon petit, j'ai relancé la partie. J'ai trop la dalle, j'ai pas d'appétit. Reconnais le flow de tes si, apprécie à ta manière. Entre vous et moi, je trouve une barrière, j'ai étendu la bannière. Fumerai quand j'aurai le temps, surveille tes arrières. Encore un son trop sévère, ils peuvent rien faire. Je la mettrai en long terme, même si je rappe sans thème. Poto, avoue que t'aimes, Bilar au promis, je crache ma haine. Encore un son au lourd de peine, vous êtes pas au bout de vos peines. Laisse-moi le temps de causer des dommages. Lance un hommage aux rappeurs qui font qu'arracher les pages. Des rapages sur la planète rap, je me crache. Encore un son qui répond au clash à coup de schlasse. Aujourd'hui tout fait mal, donc tout fait masse. Je ramasse les cadavres du hip hop, ils ont pas tenu coup. Des petits fiottes, encore un son qui se développe sans trou. Sorti d'un trou, je baisse tout. Encore un son de fou qui fait bouger la foule. Vas-y, sors ta cagoule, t'es mort dans le rap, je pose mes couilles. Encore un son, refuser des boîtes, peur des embrouilles. Encore un son, t'es car, qui crache des doux. Encore un son de fou qui fait bouger la foule. Vas-y, sors ta cagoule, t'es mort dans le rap, je pose mes couilles. Encore un son, refuser des boîtes, peur des embrouilles. Encore un son, t'es car, qui crache des doux. Encore un son qui fait des jaloux. Hier j'étais rien à leurs yeux, demain je suis tout. T'es rien, mais jaloux avant tout. Mon rythme de temps, le coup, je récite le récit par un des yeux qui vit des gens bien précis. Une apologie meurtrie, mais mon sang est toujours en vie. Banni par ma propre tessie, je reviens encore plus fort. Attends les années à venir, encore un son qui va te faire souffrir. Reprends ton souffle, plongé dans un gouffre. Vas-y, respire, noyé dans le shit, la tige du texte. Pire seul tout, au promis, je vais bâtir mon empire. Cet album va être terrible, horrible, criblé devant la concurrence. Je fais galerie, encore un son qui se prend pas la tête. Les tests et des petites minettes, rien embranlé, la plupart ont des sales têtes. Encore un son à tête, un son de bête qui empeste, empiète sur ton terrain. Encore un son de fou, pas mal. Encore un son de fou qui fait bouger la foule. Vas-y, sors ta cagoule, t'es mort dans le rap, je bosse mes couilles. Encore un son, refuser tes boîtes, peur des embrouilles. Encore un son, t'es car, qui crache des doux. Encore un son de fou qui fait bouger la foule. Vas-y, sors ta cagoule, t'es mort dans le rap, je bosse mes couilles. Encore un son, refuser tes boîtes, peur des embrouilles. Encore un son, t'es car, qui crache des doux. Fou.